dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Bonjour à tous, bienvenue dans Holiday Mix. Cette semaine, je vous ai préparé une sélection 100% dynamite, une heure de gros sons pour faire exploser votre dance floor. Il y aura Artie, Hardwell, Yves V, Felgook, John Dalbach et plein d'autres. On va démarrer ce Holiday Mix avec un titre de Rob Dugan alias Rob D. Si je vous dis Clubbed to Death, la version originale de ce titre était sortie en 1995. 4 ans plus tard, le titre était retenu et remixé par Rollo de Faceless pour figurer dans la trilogie de Matrix. En voici une version pour 2013, un remix paru sous le pseudo de Rezone. Sur Holiday Mix. Holiday Mix. We'll be right back.

Aux couleurs électro aujourd'hui avec à l'instant ce Space Track signé Bobina. Juste avant, il y avait Phoenix, le dernier John Dalbach, précédé de Spag Eddy avec Chop Chop. Dans quelques minutes, vous découvrirez le dernier Yves V en duo avec Phil Gook. Ça s'appelle Wow, quelque peu inspiré par les Chemical Brothers. Mais dans l'immédiat, voici Sergio Silvano qui s'est apparemment inspiré du Toulouse de Nicky Romero pour nous pondre ce Trolling. Holiday Mix. Holiday Mix. We'll be right back. Monsieur Cortez. Écoute ça. Wow. We'll be right back. Holiday Mix. Les meilleures nouveautés qui font vibrer les dance floors du monde entier. gros sons qui tabassent dans l'idée mix. C'est vrai qu'ils sont habitués aux arènes des grands festivals un peu partout à travers le monde. W&W avec ce Shotgun. Juste avant, il y avait Hardwell avec son Triangle, ainsi que Tristan Garner avec Raven. L'idée mix fait place à la trance pour les dernières 20 minutes avec un artiste découvert en 2009 alors qu'il n'avait que 19 ans par Armin van Buuren. Il nous vient de Russie. Voici Arty avec Gentle Touch. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. De la trance à Donf, c'est Holiday Mix avec à l'instant ce titre de Jaco Malaysia. Holiday Mix, c'est presque terminé pour aujourd'hui. On va se quitter avec ce Kepler 22 signé Fadi and Mina. Bye bye à tous et à la semaine prochaine.